à Solange Clésinger, Nohant, 3 mai 1858. Mon enfant, j'arrive à la chaumière à Manceau, au bord de la Creuse, où j'ai passé 8 jours à travailler et à recevoir des ondées. J'avais de tes nouvelles par Maurice en partant, et j'en trouve de toi-même à mon retour. Te voilà mieux. Mais ne recommence donc pas à te gripper si rudement. Aie un peu soin de toi. Et pour tout le reste, écoute un peu les conseils d'Ernest qui sont excellents et aussi bien dits que bien pensés. Je les signe dès demain. Il ne tient qu'à toi d'être charmante et d'avoir une vie à la hauteur de ton esprit. Tout ce que tu me dis de toi aujourd'hui est naturel et aimable. Eh bien, c'est bon pour le moment, comme me disait à chaque mot une vieille femme de Gargilès. Mais à force, de voir en toi-même, tantôt posant avec une poésie un peu folle, tantôt te démolissant avec beaucoup d'esprit et de gentillesse, arrive donc à prendre un parti vis-à-vis de toi-même, à te dire « Voilà décidément mon meilleur côté, je le sais, je le sens, je veux le développer. » Rappelle-toi ta fameuse sentence de Majorque. « Tout se peut quand on le veut. » Rien n'annonçait dans ce temps-là en toi un caractère léger. Tu étais rageuse, mais tu avais de la volonté. Aisant encore, mais pour ton profit. Écris ce qui te passe par la tête, si ça te soulage. Mais en te déclarant fantasque et mobile, n'oublie pas qu'il ne s'agit pas seulement de se critiquer avec esprit, mais de profiter de son propre esprit et de sa propre critique. Tu sais très bien te faire admirer. Je ne suis pas en peine. Fais-toi aimer sérieusement et tu seras plus heureuse, plus forte, plus belle en tout. Je tombe de fatigue ce soir et je te bige. Si tu ne pars pas encore, écris-moi. Embrasse pour moi Ernest et il Signor Stefano et fais tous mes compliments et remerciements al Signor Conte. Apprends l'italien, c'est si beau. Je te remercie du Mezzaro. Il est charmant. Manceau t'envoie tous ses hommages.